Le monde n'est pas juste. Mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur. Et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. Le monde n'appartient pas aux riches, ni même aux puissants. Il appartient aux hommes de cœur. Hey ya, ya. Je sais pas par où commencer. Des premières phases jusqu'au nom de scène. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on en sait? Dans Patajou, c'est ce qu'on m'enseigne. Ici y'a trop de putes qui chuchotent. Mais on verra ça au jour du jugement. Alcool et substances. J'ai foutu le rap en suspens. J'ai vu des gens qui avaient tant mais qui ont su se planter. On mise tout dans le premier temps car y'a plus de plan B. J'trempe ma plume dans le seum. J'ravive la douleur comme une coupure dans le sel. Et plus j'grandis et moi j'm'entoure de valse. Merde, on m'attend plus comme le retour de Fab. La vie est courte, faut faire avec. Plus le temps de faire la fête ou de pointer le stylo vers la feuille. J'en perds la tête, fou. Rire pour zapper la routine comme Poutine. J'm'en bats les couilles de vos broutilles. Ma vie c'est couche, caisse à outils. Parlons peu, parlons maille. C'est pas le peura qui paye le loyer. Verse un verre de sky qu'on cause des années noyées. Qui m'écoute à part mon mic. Les plaies, les coups, les peines, les doutes. Cache nos faiblesses en faisant les fous, en parlant mal. Ça part en vriche, lasse des carotides pour 40 bifs. Nous on vit là, y'a pas de village, te le garantis. Rongé par la crise, la boisse, la fume, l'angoisse et la tige. Me casse de là car cette vie la putain me la mise. J'ai vu la merde et le manque d'oseille dans les yeux de ma mère. Le dos en vrac du vieux encore plus. Courage que la veille, pas d'Air Max et pas de Lacoste, c'est sûr. Mais le frigo plein, ici pas de verre d'eau bain. Faut du fric, pas le temps pour faire de grandes études. Maintenant ça va, je m'en sors. J'ai pris du recul, parce qu'il est flic. Les strats en zone, compris qu'ici les news sont rarement bonnes. Quitte le hall, fais vif, on va rouge comme les bolcheviks. Retiens que t'es seul tout dans le trou, même les proches t'évitent. Je crois en rien, j'ai déjà du mal à croire en moi-même. On n'invente pas, c'est la vérité qu'on te ramène. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après. Quoi que nous fassions, ils nous voient. Nous devons être des exemples pour eux. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui.